s'ils voudraient empêcher les mirabelliers de fleurir, il faudrait qu'ils soient bien malins. Celui qui voudrait empêcher les cerisiers de ceriser, tellement que tout est plein de belles cerises. Mon père dit qu'il faudrait qu'il se lève matin de bonne heure. C'est alors que Catherine et Marguerite se mettent à parler. S'appelle pas la haine, elle s'appelle l'amour.